Chapitre 7e. Le lendemain, de bonne heure, se rencontrant au jardin, Miss Garth et Nora y tinrent ensemble un conseil secret. L'unique symptôme par lequel se révélèrent au déjeuner les résultats de cette conférence fut le silence complet qu'elles observèrent, l'une et l'autre, sur la représentation de la veille. Mrs. Vanstone n'obtint que de son mari et de leur fille cadette quelques renseignements sur ce qui s'était passé. L'institutrice et la fille aînée avaient évidemment pris le parti de ne plus aborder ce sujet. À l'issue du repas, et lorsque les dames se réunirent comme de coutume dans le petit salon, Madeleine ne vint pas les rejoindre. Ses habitudes étaient si peu régulières que Mrs. Vanstone n'éprouva au sujet de cette absence aucun étonnement, aucune inquiétude. 2 heures s'écoulèrent sans qu'on entendît parler de Magdalen. Au coup de midi, Nora se leva tranquillement pour aller s'enquérir d'elle. Elle n'était ni aux étages supérieurs, époustant ses bijoux ou bouleversant ses robes, ni dans la serre, ni dans le parterre, ni dans les cuisines, à tourmenter la reine de ces lieux, ni dans la cour, à jouer avec les chiens. Sera-t-elle, par grand hasard, sortie avec son père? Mais Mr. Vanstone, pendant le déjeuner, avait manifesté l'intention d'aller rendre visite à son ancien associé, Mr. Clare, et de provoquer à quelque sarcastique anathème le philosophe indigné, en lui rendant compte de la soirée dramatique. Aucune autre, parmi les dames de Combraven, ne se hasardait dans le cottage encombré du vieux cynique. Mais Magdalen osait tout, elle, et Magdalen pouvait fort bien y être allée. Dès que cette idée se fut offerte à Nora, elle prit le chemin du bosquet. Au second détour de l'allée qui s'enfonçait dans la plantation et se dérobait ainsi au regard des habitants du château, Nora se trouva tout à coup face à face avec Madeleine et Frank, qui marchaient à loisir vers elle, se tenant par le bras, la tête penchée l'un vers l'autre et se parlant, paraissait-il, à voix très discrète. Ils étaient tous deux d'une beauté, d'une félicité vraiment inquiétante. À l'aspect de Nora, ils tressaillirent tous deux, et tous deux s'arrêtèrent. Frank, d'un geste troublé, porta la main à son chapeau et s'en retourna dans la direction du cottage paternel. Madeleine vint au-devant de sa sœur, fouettant l'air négligemment de son parasol inutile et fredonnant un passage de l'ouverture qui, la veille, avait précédé le lever du rideau. « L'heure du lunch n'est certainement pas sonnée, » demanda-t-elle en regardant à sa montre. « Est-ce que vous étiez dans le bosquet, seul, avec M. Francis Clare, depuis que vous nous avez quittés ?» demanda Nora. « Monsieur Francis Clare, quelle ridicule affectation de cérémonie ! Pourquoi ne l'appelez-vous pas Franck tout uniment ?»« Je vous ai adressé une question, Magdalen. »« Bon Dieu, quel air sombre vous avez ce matin ! Je suis donc en disgrâce. Vous ne m'avez pas encore pardonné mon jeu d'hier. Mais, sœur chérie, cette mauvaise plaisanterie était une nécessité. » Je n'aurais pas tiré parti de mon sot rôle si je ne m'étais permis de vous prendre pour modèle. C'est une question d'art, et voilà tout. À votre place, moi, ce choix m'eût flatté. À votre place, Magdalene, j'y aurais regardé à deux fois avant de contrefaire ma sœur pour amuser des étrangers. Et c'est justement là mon excuse. Je jouais devant des étrangers. Comment aurait-il pu deviner? Allons, allons, ne vous fâchez point. Vous avez 8 ans de plus que moi, et me devriez l'exemple de la tolérance. Je vous donnerai un exemple de franchise. Je suis beaucoup plus peiné que je ne saurais vous le dire de vous avoir rencontré ici. Et après, vous me rencontrez dans le bosquet, rentrant à la maison, et causant d'une comédie de société avec un ancien camarade d'enfance que j'ai connu lorsque je n'étais pas plus haute que ce parasol. C'est donc là une inconvenance compromettante, à votre avis? On y soit qui mal y pense. Vous demandiez tout à l'heure une réponse. Eh bien, la voilà, ma chère. Et en un bel angle normand, si je ne me trompe. Je prends ceci au sérieux, Magdalen, et croyez-vous que j'en doute? Personne ne vous accusera jamais de plaisanter. Je suis sérieusement affligé. En vérité, il est tout à fait inutile de m'interrompre. Je dois, à ma conscience, de vous dire, et par conséquent je vous le dirai, que je suis affligé de voir cette intimité faire des progrès aussi rapides. Je suis peiné de voir des intelligences secrètes s'établir déjà entre vous et M. Francis Clare. Pauvre Frank. Quelle aversion vous avez pour lui? Et qu'a-t-il pu faire pour la mériter? L'empire que Nora gardait toujours sur elle-même commençait pourtant à lui manquer. Ses joues brunes se couvraient d'une rougeur foncée. Ses lèvres fines tremblaient quand elle reprit la parole. Madeleine s'occupait de son ombrelle plus que de sa sœur. Elle la lançait en l'air pour la reprendre au vol. « Une !» criait-elle, la rattrapant ainsi. « Deux !» Et l'ombrelle volait encore. « Trois !» Mais avant qu'elle n'eût pu la saisir pour la troisième fois, Nora lui prit le bras avec un geste irrité. L'ombrelle tomba par terre entre les deux jeunes personnes. « Vous êtes impitoyable pour moi, » dit-elle. « C'est une honte, Magdalène, une vraie honte !» De toutes les puissances morales, la plus irrésistible est l'éclat spontané, soudain, involontaire, d'un caractère calme et réservé. Magdalène, stupéfaite, fut réduite à se taire. Pendant un moment, ses deux sœurs, si différentes d'aspect et de caractère, se firent face l'une à l'autre, sans qu'un mot de plus fût échangé entre elles. Pendant un moment, les yeux bruns foncés de l'aînée et les yeux gris clairs de la cadette croisèrent leurs regards acharnés à s'examiner et prêts à se combattre. La physionomie de Nora fut la première qui changea d'expression. Ce fut Nora qui, la première, détourna la tête. Elle lâcha silencieusement le bras de sa sœur. Magdalène se baissa pour ramasser son ombrelle. « J'essaie, dit-elle, de ne pas me mettre en colère. Et c'est pour cela que vous me traitez d'impitoyable. Vous avez toujours été bien dur pour moi, et vous le serez toujours. » Nora tenait serrées l'une dans l'autre ses mains frémissantes. « Dur pour vous !» répéta-t-elle d'une voix lasse et mélancolique, et un soupir rempli d'amertume suivit ces mots. Magdalène, reculant un peu, se mit à essuyer machinalement avec le bord de son manteau le bout de son parasol. « Oui, » reprit-elle, « dur pour moi et dur pour Franck. »« Franck !» reprit encore Nora, s'avançant vers sa sœur, et devenant tout à coup aussi pâle que tout à l'heure encore elle était rouge. « Parlez-vous déjà de vous et de Franck comme si vos intérêts étaient les mêmes ?» « En vous blessant, Magdalène, est-ce que je le blesse? Vous tient-il de si près et vous est-il si cher ?» Magdalène reculait et reculait encore. La branche d'un arbre voisin faillit accrocher son manteau. Elle se retourna brusquement, brisa ce rameau et le jeta par terre. « Que Franck me plaise ou ne me plaise pas, comment cela peut-il vous intéresser ?» En disant ces mots, elle fit brusquement un pas en avant pour dépasser sa sœur et rentrer au château. Nora, de plus en plus pâle, lui barra le chemin. « Dussé-je vous retenir de force, dit-elle, vous resterez là, et vous m'écouterez. » J'ai observé de près ce Francis Clare. Mieux que vous ne le connaissez, je le connais. Il ne mérite pas que vous lui accordiez un instant d'attention sérieuse. Il est indigne de l'intérêt que lui a porté jusqu'ici notre cher père, si bon et si bienveillant. Un homme doué de quelques principes, tant soit peu d'estime, tant soit peu reconnaissant, ne serait pas revenu, comme il l'a fait, déshonoré, oui, déshonoré, par une aussi lâche négligence de son devoir. J'examinais son visage pendant que cet ami, meilleur pour lui que ne l'a jamais été son père, lui accordait un pardon et des consolations auxquelles il n'avait aucun droit. J'examinais son visage et je n'y lisais ni honte ni chagrin, rien qu'une expression de soulagement sans remords et sans gratitude. Il est égoïste. Il est ingrat, il n'a aucun sentiment généreux. À peine a-t-il 20 ans, et je lui vois déjà les défauts avilissants du vieil âge. Voilà l'homme que je trouve secrètement admis auprès de vous, et cet homme a déjà pris dans votre faveur une telle place que vous êtes sourde à la vérité dite contre lui, même lorsqu'elle l'est par moi. Ceci, Magdalène, finira mal. Pour l'amour de Dieu, songez à ce que je vous ai dit, et avant qu'il ne soit trop tard, veillez sur vous-même. » Elle s'arrêta, haletante d'émotion, et prit avec une indicible anxiété la main de sa sœur. Madeleine la regardait avec un étonnement qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Vous êtes tellement irritée, dit-elle. Vous vous ressemblez si peu que je vous reconnais à peine. Plus je me montre patiente, et plus, pour récompense, je subis de pénibles invectives. Vous avez conçu pour Franck une haine obstinée. Et parce que je ne veux pas m'y associer, vous vous fâchez contre moi sans rime ni raison. » « Laissez, Nora, vous froissez ma main. » Nora rejeta la main loin d'elle avec un mouvement de mépris. « Ce n'est pas votre cœur que je froisserai jamais, » dit-elle. Et en même temps qu'elle prononçait ces paroles amères, elle tourna le dos à Magdalène. Il y eut une pause. Nora gardait son attitude méprisante. Magdalène lui jeta un regard perplexe, hésitant, et se mit à marcher seule du côté du château. Au détour du sentier, cependant, elle s'arrêta, et, mal à l'aise avec elle-même, porta son regard en arrière. « mon Dieu, » pensait-elle, « pourquoi Franck n'est-il pas parti quand je le lui disais ?» Elle hésitait, et rétrograda de quelques pas. Voilà Nora qui se drape dans sa dignité, tout aussi obstinément que jamais. Ici, nouvelle halte. Qu'y a-t-il de mieux à faire? Je déteste les querelles. Accommodons celle-ci. Elle se risqua près de sa sœur et lui posa la main sur l'épaule. Nora ne bougea point. Elle ne se met pas souvent en colère, pensa Magdalène, avec le même geste conciliateur. Mais lorsqu'elle y est, comme cela dure. Allons, reprit-elle. Un baiser, Nora, et finissons-en. N'aurais-je de vous que cette charmante nuque? Il est joli, votre cou. Meilleur à baiser que le mien, et malgré vous, je le baiserai. » Elle saisit Nora par les épaules et risqua les caresses qu'elle annonçait, sans tenir le moindre compte de ce qui venait de se passer. Mais sa sœur ne devait pas si vite en perdre la mémoire. La minute d'avant, en dépit de tous les obstacles, le cœur de Nora s'était épanché à flots brûlants. Est-ce que déjà sa glaciale réserve avait repris le dessus? Problème difficile à résoudre. Elle n'articula pas une parole et ne bougea point. D'une main pressée, elle cherchait son mouchoir. À ce moment, on entendit dans les profondeurs du bosquet un bruit de pas. Un basset d'Écosse arrivait au galop, et une voix joyeuse fredonna les premiers vers du chœur rustique de « As you like it ». « Voici papa !» s'écria Magdalène. « Venez, Nora, venez au-devant de lui !» Nora, au lieu de suivre sa sœur, ramena sur ses yeux le voile de son chapeau de jardin et se hâta de retourner au château. Elle courut s'enfermer dans sa chambre. Des pleurs amers ruisselaient sur son visage.